L'important pour bien commencer la journée, ce n'est pas de se lever du bon pied, mais c'est d'oublier la journée qui nous attend. Mickaël à la radio. Détendez-vous, vous êtes sur un nuage de 6h à 9h30 sur Fun Radio. On va jouer maintenant et on va jouer avec Morgane ou Morgan. Alors, je ne sais pas très bien comment on dit. Allô, Morgane ? Bonjour. Bonjour. Ah, c'est Morgan ou Morgane ? Morgane. Morgane. Eh ben, bienvenue à toi, Morgane. T'as 24 ans, t'appelles d'où, dis-moi, Morgane ? T'appelles de Boussu. De Boussu, très bien. Eh ben, écoute, sois le bienvenu, Morgane. On va jouer maintenant au Free de Code Game. Tu connais le principe du Free de Code Game ? Non. Non, eh ben, ça tombe bien, je vais pouvoir te l'expliquer, donc du coup, il n'y a pas de problème. Alors, le principe du Free Code Game est très très simple, je vais te poser 4 séries de questions. Il y a le petit paquet, il y a le grand paquet, il y a le Durum et il y a la mitraillette. Ça va des questions les plus faciles aux questions les plus compliquées et bien évidemment, des cadeaux les plus petits aux cadeaux les plus gros. Par exemple, petit paquet, tu gagnes une compile Fun Radio. Grand paquet, tu gagnes des places de ciné. Durum, tu gagnes un iPod et mitraillette, tu repars avec une tablette numérique. Morgane, qu'est-ce que tu choisis comme série de questions, s'il te plaît ? La mitraillette. La mitraillette, tu es gourmand et on verra si tu fais bien. Free Code Game. Allez, c'est parti, on joue maintenant au Free Code Game. Question mitraillette, il faut que tu fasses 3 sur 5 pour gagner. Tu es prêt ? Super. Allez, on y va et il faut répondre évidemment du tac au tac. Que fait-on quand on ébarbe un poisson ? On enlève les écailles. Non, on enlève les nageoires. Oh. Eh oui, c'est dommage. En plus, tu as de la chance parce qu'on a déjà posé cette question. Mais oui, puisque tu n'as pas ouvert le bon. Bah si, j'ai ouvert le bon. Alors attends, je vais quand même vérifier. Si, c'est le dernier en date là. Si, c'est le dernier en date. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, mais c'est parce que tu m'as envoyé le mauvais. C'est ça. Bon, bah c'est pas grave. Écoute, si t'as de la chance, tant mieux. Si tu es fidèle de l'émission, tu auras les bonnes réponses. Dans quel sens va une stalagmite ? Vers le bas. Mauvaise réponse, oui. Elle va de bas en haut justement. Quel objet de chasse revient toujours à son lanceur ? Pardon ? Quel objet de chasse revient toujours à son lanceur ? Le chien. Oui, c'est marrant parce qu'on avait répondu la même chose la dernière fois. C'est un boomerang. Alors un scarabée peut supporter jusqu'à combien de fois son poids ? 15 fois. Mauvaise réponse, c'était 850 fois. C'est énorme. Et enfin, que se passe-t-il au solstice d'hiver ? Je ne sais pas. Eh ben, c'est le jour le plus court. Eh ben, c'est pas mal, ça nous fait 0 sur 5. Ah ben, dommage. Ah oui ? Pas terrible, Morgane, hein ? Hein ? Bah non. Ah bon, pour des questions qui avaient déjà été posées. C'est vrai, en plus, ouais. Posé. Morgane, c'est pas grave, tu retentes ta chance quand tu veux. En tout cas, tu seras le bienvenu, il n'y a pas de souci, Morgane, d'accord ? Ça va, ok, pas de souci. Allez, bonne journée. Salut. À toi, à bientôt, Morgane, à Boussu. Ciao. Merci à toi. Bye bye. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. En Espagne, on tente tant bien que mal à trouver des solutions pour l'économie du pays. Dernière idée en date, lancer des cours de prostitution. En apprenant cette nouvelle, Dodo La Saumure aurait déclaré vouloir devenir espagnol. Dominique Strauss-Kahn aurait été aperçu en Grèce dans une boîte select, le Rich Club. L'ancien patron du FMI, qui s'y connaît en économie, a dit simplement que c'est dans ce pays qu'on trouve les putes les moins chères. D'après une étude d'Ericsson, les Français seraient les plus gros consommateurs de smartphones. Le smartphone serait le meilleur ami des Français. De toute façon, ils sont tellement cons qu'il faut bien une machine pour les supporter. Elle s'insulte elle-même maintenant. Johnny Hallyday ne quitte plus son chalet d'Oxstadt. C'est tellement compliqué de dire Oxstadt qu'il préfère ne pas sortir. Pas bête, Johnny. Ouais, c'est pas vrai, pas con, ouais. Et pour terminer, si vous aimez le rap français et le riz, faites-vous cuire un sachet d'Uncle Benz. C'est pas dur, c'est très très dur aujourd'hui. Mickaël à la radio. Le replay, tous les matins. Morning show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, on accueille Abigail maintenant. Bonjour Abigail. Bonjour. Comment ça va ? Super. Bon, 22 ans de Bruxelles, Abigail. Passez un bon week-end. Oui. Bon, bien. Bah tant mieux, tant mieux. Alors dis-moi, une note sur 10 de l'accueil d'Aline au standard. Super. Franchement, 10. Ah, 10. T'as vu ça? Ah, bah dis donc. Ouais. Ah, donc, sois pas prof, hein, parce que toutes les élèves, ils vont passer. Hein. Hyper sympa. Mais oui, mais c'est excellent. Ah, oui, c'est excellent. Merci, j'aime bien. Tu l'as fait gagner, là. C'est excellent. J'y vais tout de suite. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Abigail, ni oui, ni non, ni vous verrez bien. Tu es là pour jouer et tant mieux, sois la bienvenue. On va donc maintenant jouer pour que tu puisses gagner un iPod. Si bien sûr, t'arrives à zigouiller Aline. Alors, attention. On y va. On est bien, là, on est bien. Allez, allez, non. Non. Ni oui, ni non, ni tu. D'accord ? Oui. Ça va. Allez, Abigail, une minute, la discussion la plus logique possible avec Aline. Et puis, bah, si t'arrives à lui dire, à lui faire dire un de ces mots sans les dire, ni oui, ni non, ni tu, c'est gagné. 3, 2, 1, on y va. Abigail ? Je suis là. Ça va ? Super. Et toi ? Très bien. Ça fait quoi ce week-end ? Oui, non, ça va. Non. Eh oui, voilà. Oui, eh oui, oui, voilà. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Qu'est-ce qu'il est mauvaise. Non, bah, en même temps, t'as fait quoi? C'était borderline aussi. Ouais, hein. Mais oui, mais c'est pas tu. C'était ouais, voilà. Non, non, franchement, non, ça va. T'es apostrophe, c'est bon. Okay. Mais par contre, l'autre qui réfléchit. Ah non, ouais. C'est pas, j'ai trouvé. Elle est pas mauvaise. Parce que elle voulait pas dire la vraie vérité. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, eh ben écoute, Abigail, ça a été très simple, comme t'as pu le remarquer. Tu as donc zigouillé Aline et ça, c'est beau. Bravo. Et ça, c'est beau. Génial. Eh ben voilà, bravo, Abigail. Tu repars avec un iPod. Merci. Félicitations. Merci. Mais je t'en prie, Abigail. Tiens, t'as jamais trouvé des trucs bizarres dans ton assiette ou à un moment ou à un autre, non? Non. Non, jamais. Ça va toujours manger clean. Non. Ok, d'accord, ouais. Très bien. Bon, ben on essaiera. De toute façon, on va vous inviter tous les auditeurs chez Audrey. Elle va nous faire à bouffer. T'as vu? Je sais pas cuisiner. Mais justement, ça va être très bien. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio, 6h, 9h30 sur Fun Radio. Bon, bah c'est le matin là, hein. On s'en rend pas bien compte parce qu'il fait encore noir, ouais, mais vous êtes déprimant. Certainement. Ouais, c'est déprimant. Vous êtes certainement en train de prendre votre petit déj, quelque chose comme ça, par exemple, vite fait ou pas vite fait, peu importe. Et je me dis que c'est le bon moment pour parler des bonnes choses qu'on peut trouver dans la nourriture, par exemple. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans un sachet d'épinards. C'est complètement étrange, hein. C'est une aile d'oiseau. Et oui, une aile d'oiseau dans un sachet d'épinards. C'est dingue. Ah ouais. T'as déjà trouvé des trucs comme ça bizarres dans les sachets, dans la bouffe, non? Non. Un cheveu parfois. Ouais, un cheveu, ça peut arriver, ouais. Mais pas une aile, quoi. Genre, t'as pas jamais trouvé une dent ou un truc comme ça, un morceau de doigt. Non. Un morceau d'ongle. Non. Si, ça, moi, j'ai déjà trouvé une fois. Oh. Un morceau d'ongle. Ouais, ouais. Oh non. T'étais en train de manger, et puis tu. Bah, tiens, c'est marrant, ça. Ah, c'est dégueulasse. Ah, bah, tiens, un ongle. Ah, c'est dégueulasse, ça, je te jure. Ça donne un bon petit scandale, quoi. Ouais, enfin, bon, t'es à ta boîte. Et je suis journaliste, je ferai un article. Voilà. Je m'en fous, voilà. Ah, oui, donc, c'est bien appétissant. Donc, justement, donc, toi, t'as trouvé quoi? Ouais, un ongle. D'accord, ok. Bon, un ongle dans une boîte de conserve. Bon, ben vous, les autres, dites-nous ce que vous avez déjà trouvé. Hein, 3044 par SMS ou sur le Facebook, facebook.com/funradio. Voilà. Bon, cela dit, ça va encore ce que vous avez trouvé parce que vous auriez pu tomber sur ce genre de choses, par exemple. D'étonnants intrus échappent parfois à la vigilance des industriels. Une tête de souris retrouvée dans des haricots verts, une lame de cutter égarée au fond d'une boîte de cassoulet, ou encore une grenouille vivante coincée dans un sachet de salade. Ah, ouais. Ah ben voilà. Ah oui. Moi, ça nous rassure d'un truc, c'est que la salade, elle a au moins vu vraiment la nature. Quoi. Ouais, ouais, bah c'est ça. Voilà, sûr, au moins, on est rassuré tout de suite là. Ouais, t'es sûr au moins que c'est pas une salade en plastique, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mickaël à la radio, le replay.